Maxi Sud. Donc voilà, Julien Fraisse, co-président avec Didier Mazenc de l'association des chasseurs du Haut-Ségala. Voilà, donc on organise un concours de meute à fac sur 3 années consécutives. Ça sera chaque année à la même période, aux alentours du 15 février. Cela consiste en fait au travail du chien. Il va y avoir 24 meutes sur tout le week-end qui vont amener une dizaine de chiens. Donc en gros, il y aura 240 chiens sur tout le week-end. Ce concours va s'effectuer sur 35 communes. On va dire qu'il va partir de tout le Ségala en fait, une grosse partie, en gros de Baraqueville, Druel, jusqu'à Villefranche de Rouergue, Najac, toute la vallée de l'Aveyron, en remontant sur la vallée du Vior. C'est une façon de faire découvrir également Rieupeyroux et les Ségala autrement. Exactement, on va faire découvrir notre territoire de chasse, et on a de la chance d'avoir un super territoire, un très joli territoire pour chasser, mais aussi faire découvrir notre passion qui est souvent décrié parce qu'on pense qu'au prélèvement du gibier, alors que pas du tout. Aujourd'hui, dans les nouvelles générations, il y a énormément de jeunes qui chassent pour le chien. Et pour le chien, les balades, le paysage. Voilà. Et après le prélèvement, bien sûr, il en faut des prélèvements pour essayer de réguler un peu les populations, mais ce n'est pas notre but premier. Voilà. Un petit mot par rapport à la chasserie pérouzaine. La chasserie pérouzaine, elle a super bien évolué là depuis que Franck Couchet est président. Déjà ça tournait déjà bien avant, et Franck a aussi énormément dynamisé avec un très grand nombre de jeunes. Il y a aujourd'hui plus de 30 jeunes qui ont moins de 35 ans, et c'est magnifique. Il y a une très bonne ambiance, et j'espère que ça va durer, parce que le plus dur, c'est de conserver l'ambiance après dans un groupe comme dans toutes les associations. Comment expliquez-vous cette effervescence de la jeunesse? Parce que, de toute façon, nous ici dans les villages, qu'est-ce qu'on fait dans ces villages de campagne? Où on joue au foot, où on joue au basket, où on chasse. Et du coup, nous ici, les jeunes, ils se sont passionnés pour la chasse, et le chien en particulier. Voilà. Et du coup, les jeunes attirent les jeunes. C'est incroyable. Voilà. Un petit mot donc, ce week-end, une animation à ne pas manquer à Rieupeyroux. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le déroulé du programme? Alors, déroulé du programme, le matin, les concurrents vont arriver vers 6h30 du matin, 6h30, 7h. Il y aura un tirage au sort qui va s'effectuer ce soir. Donc déjà, les concurrents, ils seront exactement sur les secteurs où ils vont passer. Il y a 8 secteurs sur l'ensemble des 35 communes. Le matin, ils partiront essayer de trouver des traces de sangliers. Et ils choisiront une trace. Et bien là, ils auront deux heures de temps pour effectuer leur chasse et faire une démonstration, c'est-à-dire en rapprocher sur l'animal et le lancer. Voilà. Mais par contre, il n'y a jamais dans ces concours de prélèvement. C'est uniquement le travail du chien qui est privilégié. Voilà. Un petit mot sur le travail du chien. Le travail du chien, quoi vous dire, il faut essayer d'avoir une meute assez homogène, avec des gabarits qui se ressemblent. Sur les 2 heures de temps, il faut arriver avec un départ de 10 chiens, grosso modo 8-10 chiens, et d'arriver avec 8-10 chiens au bout des 2 heures. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut des chiens assez homogènes et qui soient, complémentaires. Voilà.